Onzième Darkness, yeah. On remet ça. Tous les la réussite comme l'échec. Tous les le bien et le mal à ta peau. Tous les la gloire, le fric et les chenets. Tous les la prison, la mort qui t'emporte. Tous les quand on pense la technique, on tape nos lyrics, on danse un je viens tout donner. Beaucoup à mon égard, un mauvais regard. Promis leur enfer de donner. Pense trop d'ironie, on récolte ce qu'on sème. On plage le mérite, le rap, c'est tout ce que j'aime. Qui j'aime, c'est qui vient chanter. C'est le fond, mais t'as l'irrésiste. Approchez mes yeux, enchanté. Si t'es incisif, donc si tu l'as cherché. Dans ce monde, tous méritent la gloire, le fric, la vigie. Les paquettes de chips, les emmerdes avec les fils. Les embrouilles de famille, les loyers impayés. Tu vois la famille, la prison à cause de quelques gamines. Plus de maison est rayée. Ressaisis-toi, c'est le moment d'embrayer. Passe la vitesse supérieure. Si la joie tu la trouves pas ici, va la chercher ailleurs. Je comprends plus, plus de respect pour la nature. Dure sera la chute, dure de cicatrices et les plaies. Ni Dieu, ni maître, ni homme, ni bête. L'enfer se mérite pour les chefs de secte. Comme la torture se mérite pour les pédophiles, les nécros, les zoophiles, les terreaux qui finissent dans le terreau d'un blaireau. Petit impléro, pas de mérite pour ta gueule. Les héros de flics veulent qu'on prenne chiro, qu'on mérite zéro. Tolérance à défaut, ici personne n'est égaux. Tout ce qu'on reçoit, on le mérite. La réputation se crée vite. Le mépris se mérite pour les postes riches qui affichent leur fortune et leur vie nocturne. Comme le respect pour les gens qui suent, pour les gens qui ont su faire la différence, ont pu apporter plus d'écus à leur famille. Le rêve s'éparpille, t'attends pas des prouesses si la rue élève ta fille. La réussite comme l'échec, tous mérite. Le bien et le mal à ta peau, tous mérite. La gloire, le fric et les chenets, tous mérite. La prison, la mort qui t'emporte, tous mérite. Quand on bosse la technique, on tape nos lyrics, on tosse des amis. Le travail ça, meilleur, tu ne seras que meilleur. Si tu râles pas, tu résines pas, tu seras le best player. Donc essaye et ne t'effraye pas. Un conseil, reste toi-même et te trahis pas. On ne répétera jamais assez dur et comptera que ce que tu sèmes en bien ou mal. Donc fais ton choix, use de ton droit. Prends ta voix et assume et tue-toi. Comme nous, vu qu'on vit du rap, après trop le boom. Pap-tap, donc si t'aimes pas, zappe. On garde le cap, hip-hop, donc stop. Du rap, comme d'hab, on frappe des caps, les nappes et les claps. Si tu fais la misère, il fait plein jour, t'auras affaire à sa famille qui se décontrera un poil et niquera des affaires. Si tu voles et arrives à éviter les flics, il te rattrapera tôt ou tard, même le jour où t'auras stoppé tes trafics. Si t'es con, des ripos qui profitent de son pouvoir, tu tomberas un jour sur un délinquant qui te fera un trou dans la poire. Si tu joues la vie facile, tu aimes se faire traiter en esclave. Tu finiras sous des barbares qui te violeront dans une cave. Si t'es huissier, tu mérites de vivre sur les ponts. Si t'es une balance, tu mérites qu'on jette par-dessus le pont. Si t'es un escroc comme ça, tu mérites de toucher le RSI. Si t'es matérialiste, tu mérites de te faire écraser par un Ferrari. Si t'es criminel, tu mérites pas d'être acquitté. Et si t'es qu'un gros raté, tu mérites de te faire raqueter. Si t'es ce mafieux qui tue des gosses froids et sans remords, tu mérites qu'une même pas en torture te torture avant ta mort. Tous mérites. Le destin, on ne l'évite pas. On hérite de nos sorts selon les choix qu'on médite et du droit qu'on équipe. Tôt ou tard avec la vie, car chaque acte est l'examine. Et si tu fais du bien, oh tiens, elle te le rendra. Fais le mal, est-ce que tu détiens de bien, elle te le prendra. On a pour son compte quand tombe récompense ou sanction. Que l'on demeure fort, faible, sage ou espiègle. Quand nous subissons tous cette même règle, celle qui nos vies régit et qui peut soigner ta paraplégie ou t'envoyer chez le légiste. Tous mérite la réussite comme l'échec. Tous mérite le bien et le mal à ta peau. Tous mérite la gloire, le fric et les chenets. Tous mérite la prison, la mort.